Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Bonjour, il est midi sur Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque. Ils sont venus, ils sont presque tous là, Germain, René, Benjamin, Florent et Christian, l'équipe d'Angle d'Attaque. Attaque, une association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Nous votons le 23 mars pour les élections municipales. Pour la première fois, à côté des listes des prétendants, une seconde liste qui reprend les noms de la première liste. Il faudra élire celles et ceux qui siégeront dans l'EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Pour nous, ce sera la communauté urbaine de Lille, la LMCU. Il y a un an, nous avons lu et commenté un ouvrage qui tombe à pic dans cette période d'élections municipales, « La politique confisquée » aux éditions du Croquant. Et nous avons la chance d'avoir pu inviter un des deux auteurs de cet ouvrage. Merci donc à Fabien Desage qui va nous consacrer un peu de temps entre deux avions. Merci à son comparse David Guéranger. Tous les deux, ils ont écrit un ouvrage salutaire et très éclairant sur le côté obscur de la force politique en France. Ouvrage complété utilement par un article du Monde diplomatique de janvier dernier dont je vous ai déjà parlé. Je termine cette petite présentation en disant que David Guéranger est maître de conférence à l'école des Ponts et Chaussées et que Fabien Desage est maître de conférence à Lille 2, présentement pour 3 années à Montréal. Et donc, il est venu entre deux avions, pour tout dire. Cette émission d'aujourd'hui a été enregistrée, du moins l'enregistrement de Fabien Desage a été fait le 6 mars. Voilà. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une pause musicale. Germain, tu nous as choisi quelque chose de bien, je suppose. Oui, une chanteuse qui s'appelle Guideray et qui chante « Les gens se brossent les dents ». Juste après René pour les actualités d'attaque. Comme toi. Le matin, elle se levait. Comme toi, elle prenait son petit déjeuner. Comme toi, parfois, elle rigolait. La meuf à Michel fournirait. Comme toi, elle faisait des bisous. Comme toi, elle était plus grande debout. Comme toi, parfois elle marchait sur des cailloux. La meuf à Marc Dutroux. Ceausescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis. Comme ta maman, parfois elle a fait froid l'hiver. Et comme elle aussi, elle avait des ovaires. Comme elle, il lui est arrivé d'éplucher des pommes de terre. La mère à Himmler. Comme à toi, parfois ça lui grattait le dos. Comme toi, souvent, elle buvait de l'eau. Comme toi, elle écoutait la radio. Véronique, Véronique Courgeot. Ceausescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis ont tous été choisis ont tous été des enfants, des enfants, des enfants. Eh bien, merci Germain de m'avoir fait découvrir, peut-être aux autres, non, Germain avait l'air de connaître, Gidré, les gens se brossent les dents. Eh bien, on passe forcément aux actualités d'attaque et c'est forcément René Lascience qui s'y colle. Il va nous parler d'abord du niveau national avec Notre-Dame-des-Landes. Oui, alors tout d'abord Notre-Dame-des-Landes. Succès indéniable de la manifestation du 22 février, entre 50 000 et 60 000 participants venus de toutes les régions de France, plus de 500 tracteurs venus des départements limitrophes, c'est la plus grosse mobilisation du mouvement, signe d'une contestation d'ampleur nationale en lien avec d'autres luttes contre les grands projets inutiles et imposés. Un sondage révèle que seuls 24% des Français sont favorables à la réalisation de l'aéroport, 56% s'y opposent et 20% ne se prononcent pas. La campagne Requin 2014, eh bien c'est aujourd'hui, 15 mars, c'est le lancement de cette campagne, visant les banques et multinationales prédatrices, en premier lieu la BNP, Paribas, pour son rôle dans la fraude fiscale, la Société Générale pour ses investissements dans les activités polluantes et Unilever pour ses délocalisations et ses entraves à la création d'une SCOP par les Fralib à Gémenos. Les trois comités locaux attaques de la métropole ont relayé cette action. Et donc, comment ? Dont je vais vous parler un peu plus tard. Ensuite, la campagne contre le grand marché transatlantique Stop TAFTA. Alors, face au quatrième cycle de négociations du grand marché transatlantique qui s'est tenu à Bruxelles du 10 au 14 mars, de nombreuses actions de mobilisation citoyenne ont été lancées. Le 10 mars à Paris, action du collectif national Stop TAFTA devant France Télévisions à l'attention des médias du service public. Et à Bruxelles, les 11 et 12 mars, première réunion transatlantique des mouvements européens et états-uniens, adoption d'un agenda commun de mobilisation et déclaration commune de la société civile européenne. Également ce 12 mars, conférence du collectif Alter Sommet sur le traité. Le 13 mars, rassemblement devant la Direction générale du commerce à l'initiative du même collectif, donc Alter Sommet, et de D19. Des collectivités locales s'associent à la campagne. Les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, la municipalité de Besançon, ont récemment adopté des déclarations demandant l'arrêt des négociations et se proclament symboliquement hors zone hors PTCI. Oui, alors PTCI, c'est Projet Transatlantique pour le Commerce et l'Industrie. Hein. C'est la traduction voilà, un peu... c'est l'équivalent du TAFTA. Ouais, il y a plusieurs sigles pour nous embrouiller, mais c'est toujours le grand marché transatlantique. De toute façon. Vas-y, René. D'autre part, Attac et Hightech ont envoyé une lettre ouverte à Nicole Bric, la ministre du Commerce, et vous pouvez trouver sur le site d'Attac France plusieurs communiqués récents sur les implications du traité. Et puis on manifeste aussi contre la spéculation immobilière, mais c'est à Cannes. Oui, donc ça c'était le mercredi 12 mars à Cannes, parce que là où se tient le marché international des professionnels de l'immobilier, le MIPIM si vous préférez. Alors, des représentants des mouvements de lutte pour le logement de 12 pays européens étaient présents pour dénoncer les pratiques du marché immobilier et foncier et les politiques libérales de l'Europe responsables de la crise du logement. Attac, bien sûr, soutient et participe à cette mobilisation contre les requins, un autre genre de requin là, de la spéculation immobilière et pour le droit au logement et à la ville. Au plan local, René. Alors, au plan local, eh bien, parlons, puisque c'est aujourd'hui le 15 mars et comme je vous l'ai annoncé, donc ce matin, nous avons relayé la campagne nationale. Bon, j'étais d'ailleurs présent avant de rejoindre le studio de Radio Campus. Il n'arrête pas, René. Ouais, nous étions une bonne quinzaine, entre 15 et 20, à interpeller les passants avec nos pancartes, nos visuels, à distribuer tracts, autocollants et kits anti-requins, bien sûr. Et à occuper les trottoirs devant notamment l'agence de la BNP au bout de la rue de Béthune, Ensuite, les camarades sont partis à travers les rues piétonnes à destination de la Grand Place. C'est là que je les ai quittés. Apparemment, nous avons bien animé. Les passants semblent assez réceptifs. Donc, je pense que le bilan pourra être bon. Quoi. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, nous avons eu pas mal d'activités ces derniers temps, notamment déjà le 5 mars, projection du film de Yanis Yuluntas, Ne vivons plus comme des esclaves, à l'initiative d'Attaque Villeneuve-d'Ascq, en partenariat avec Anzero Cap Autogestion et la CNT. C'était au Méliès, à Villeneuve-d'Ascq. Et nous allons rencontrer nous-mêmes Yanis Yuluntas à Tourcoing, invité par des éducateurs spécialisés. Oui, c'est le 16 avril. Le 16 avril. Le 7 mars, réunion de 14 à 18 heures à la Bourse du Travail en vue de la mise en place d'instituts d'études politiques populaires, notamment ici à Lille, dont l'objectif serait de créer des lieux d'échange et de savoir en évitant la reproduction des modèles existants de transmission verticale des connaissances, pour redonner des outils de critique et des moyens d'émancipation. Donc nous étions près d'une cinquantaine de participants, universitaires, syndicalistes, artistes, associatifs, dont plusieurs membres d'Attaque Lille. Absolument. Les discussions ont porté sur l'organisation de la structure, les manières de diffuser les connaissances, les publics à toucher en priorité. La réunion n'a pas permis de dégager pour le moment un consensus et des échanges se poursuivent actuellement dans ce but. Le 19 mars, débat public pour l'accès aux soins et le droit à la santé. De 18h30 à 20h30, à la salle polyvalente de la Bourse du Travail, boulevard de l'Usine à Fives-Lille, dans le cadre du Tour de France pour l'accès aux soins et le droit à la santé. Les trois comités locaux Attaque de la Métropole sont signataires de cette action et André Delcroix, d'Attaque Roubaix-Tourcoing, doit intervenir au cours de ce débat. Donc le 19 mars, je le rappelle. Ensuite, le 1er avril, conférence-débat sur la violence des riches, avec présence du couple Pinson-Charlot à l'Institut d'études politiques de Lille, rue de Trévise, et ce sera à 18h30. Je vais faire une parenthèse ici, parce qu'il y a une émission sur la 7, d'Elisabeth Quin. Le thème, c'était les riches. Il n'y avait absolument pas les Pinson-Charlot. Il faut quand même être gonflé. C'est les seuls qui écrivent depuis 10 ans sur les riches, mais n'étaient pas là. Excuse-moi, René, je voulais dire ça. Et enfin, le 7 avril, une conférence débat à l'initiative du collectif Stop TAFTA, donc régional, bien sûr contre le grand marché transatlantique, toujours, avec Raoul Marc Génard. Intervention également de Vladimir Niedou de Sud Santé Sociaux, et de Jean Gadret d'Attaque Villeneuve-d'Ascq. Ce sera au gymnase, place Sébastopol à Lille, à partir de 18h30, donc je le rappelle, le 7 avril. Oui, arrivez plus tôt parce qu'il va falloir se mettre en route et c'est un horaire assez précis. 18h30, c'est vraiment le démarrage de la conférence. Voilà. Et pour terminer, le collectif O. Eh ben voyons. Alors, nous continuons à recevoir des réponses aux questionnaires de la part des listes candidates aux municipales. Nous avons actuellement une dizaine de réponses. Parmi celles-ci, une réponse très positive de la liste Europe Écologie Les Verts de Lille, qui semble maintenant acquise à l'idée des premiers mètres cubes gratuits. C'est pas trop tôt. Réponse également positive de la liste PS de Ronchin. Et réponse plus ambiguë d'une liste apolitique de Lambersart, avec certains éléments pro-régie et d'autres pro-DSP, on n'a pas trop compris. Bref. Alors toutefois, il faut constater qu'un faible pourcentage de candidats s'est à ce jour manifesté. Aussi, nous envisageons, au cours d'un communiqué de presse, de laisser entendre que notre questionnaire soit n'intéresse pas, ou peut-être gêne, les listes n'ayant pas donné suite. Voilà. Oui, l'avenir nous le dira, mais l'avenir, c'est bientôt, c'est les municipales, avec des élus communautaires qui sont maintenant désignés sur les bulletins de vote. On fait une petite virgule et on passe l'enregistrement de Fabien Desage. Donc c'était enregistré le 6 mars, je vous le rappelle. Fabien Desage, tu es le co-auteur avec David Guéranger d'un ouvrage, La politique confisquée, sorti en mars 2011 aux éditions du Croquant. C'était une de nos lectures en février de l'année passée. L'objet de ce livre était dans le sous-titre, Sociologie des réformes et des institutions intercommunales, et nous a bien intéressé. Alors que pour le législateur, il s'agissait de rationaliser l'utilisation des dépenses publiques en réunissant les communes dans des communautés de communes, des communautés d'agglos, des communautés urbaines. De votre côté, vous constatez tous les deux, c'est votre thèse centrale, ce que vous appelez, en le déplorant, la perversion du système par le consensus communautaire, entre guillemets, fondé sur la culture du compromis, avec des guillemets également. 3 ans après, En 2014, en janvier, sort la loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles. Et pour la première fois dans 15 jours, nous allons voter pour des conseillers communautaires. Est-ce que la pertinence, et on va dire l'impertinence de vos travaux est entamée? Vous ne devez pas avoir beaucoup de copains parmi les... Alors j'ai noté le chiffre, hein, 36 793 communes de France, parmi les maires des 36 793 communes de France, réunies à quelques-unes près dans 4145 communautés. On pourrait peut-être commencer par une explication sur vos travaux. Alors merci pour l'invitation d'abord, pour commencer, qui permet effectivement de faire le point depuis la sortie de l'ouvrage, la réception, est-ce qu'il a pu changer ou pas d'ailleurs au niveau de la loi, au niveau du fonctionnement de ces structures. J'ai envie presque de commencer par la fin de votre propos, quand vous avez mentionné que nous allions voter pour élire des conseillers communautaires. Alors ça c'est un discours qui s'est beaucoup diffusé, qui a été repris à satiété, j'ai envie de dire, par les associations d'élus elles-mêmes, hein, notamment l'association des communautés, l'Assemblée des communautés de France, qui représente en gros les institutions intercommunales sur l'ensemble du territoire, et qui, on pourrait dire, fanfaronne, hein, depuis quelques mois en disant le problème démocratique des intercommunalités est réglé, on va désormais élire les conseillers communautaires au suffrage universel direct. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est faux. Hein, c'est faux, et je pense qu'il y a quelque chose même... Il y a quelque chose un petit peu de l'escroquerie intellectuelle dans la manière de désigner ce changement dans le mode de scrutin. Le changement dans le mode de scrutin, il renseigne beaucoup sur l'histoire de l'intercommunalité. C'est un changement, on utilise l'expression avec David dans l'ouvrage, hein, mais c'est un changement pour que rien ne change. Ça a été la concession minimale qu'ont pu faire les associations d'élus. Hein. Ce sont les élus qui ont mis en place ce nouveau système. Il n'y avait pas de revendication ou de sollicitation forte de la société civile. Ils ont mis en place ce système donc du fléchage qui en fait conduit à pour les électeurs à voter deux fois, c'est-à-dire à voter deux fois, mais deux fois en même temps, c'est-à-dire à choisir un seul bulletin sur lequel il y aura, comme d'habitude, la liste des conseillers municipaux, hein, chacune des listes, et à côté, la liste des conseillers communautaires. Et c'est alors, les mêmes. C'est les mêmes. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... c'est très savant, hein, c'est-à-dire qu'il y a au moins le premier quart qui doit être identique, et ensuite, on peut éventuellement faire changer l'ordre quand ce sont des grandes communes qui envoient beaucoup de conseillers, sauf que il n'y a pas la possibilité de panacher. D'accord, donc on peut pas raturer des noms ou rajouter des noms, donc on est lié en fait aux noms qui sont présents sur la liste municipale. Les deux bulletins sont ensemble. D'accord, on a les listes sur le même bulletin. Il n'y a pas possibilité de diviser le choix. Donc on voit bien qu'en fait, loin d'être le suffrage, heureusement que le suffrage universel direct, c'est pas système, hein, parce que si c'était de voter de manière liée, hein, les mains liées, là finalement l'électeur, il va voter pour ses conseils municipaux et par incidence, par la même occasion, il va désigner ses conseils communautaires. Mais il y aura pas de logique. On voit bien que c'est essentiellement les enjeux communaux qui vont continuer finalement à fabriquer l'éligibilité communautaire. Hein. Il n'y aura pas la possibilité de choisir d'autres personnes ou de choisir des gens sur un programme pour ce qu'ils vont faire au niveau communautaire. Donc c'est intéressant de reprendre parce que cette réforme, elle en dit long sur beaucoup de l'histoire de l'intercommunalité et sur la capacité de résistance des élus à la démocratisation de ces structures. Hein, et voilà, notamment c'est à cette question. C'est votre thèse centrale, en fait. Alors, c'est la thèse centrale, hein, c'est d'associer cette question de la réforme intercommunale, de montrer que c'est une réforme qui est presque aussi ancienne que les communes. On parle d'intercommunalité depuis plus de 200 ans, avec des phases historiquement distinctes, mais on en parle depuis donc presque aussi longtemps que les communes. Et ces réformes, elles ont plutôt abouti à renforcer le poids des élus. Ouais. Donc c'est un petit peu le paradoxe qu'on essaye d'expliquer avec David. Hein. C'est comment expliquer que ces structures se renforcent, sont de plus en plus importantes en matière de politique publique, ont des budgets de plus en plus conséquents, ont une multiplication de compétences, couvrent aujourd'hui le territoire national. Et dans le même temps, elles ne connaissent pas de démocratisation. Et j'insiste là-dessus, le fléchage n'est pas une démocratisation. Hein. Il ne va pas créer une légitimité propre. Ça n'est pas une circonscription. Il n'y a pas de circonscription intercommunale. Les électeurs ne vont pas avoir à se prononcer sur leurs représentants dans les structures intercommunales. Donc il n'y a pas de démocratisation. Paradoxe apparent, ce qu'on montre avec David, c'est qu'il faut renverser l'analyse. C'est-à-dire qu'il faut dire, c'est précisément parce que les structures intercommunales se sont renforcées qu'elles ne se sont pas démocratisées. Parce que pour les élus, il est devenu central de contrôler ces structures, hein, de les contrôler entre élus, entre pairs, hein, de les faire échapper un peu aux logiques du clivage, aux logiques de la compétition politique. Et donc, finalement, l'évolution de ces structures a eu un effet contraire, hein, un effet contre-productif sur leur démocratisation. Alors, il est quand même question dans 6 ans que ce soit véritablement au suffrage universel. Alors effectivement, on voit bien que 6 ans, c'est loin. Oui. C'est pas les calendes grecques, mais presque. Hein. C'est quand même un calendrier très très loin. Il va se passer beaucoup de choses en 6 ans. Il faut dire pour commencer que c'est pas la première fois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des amendements. Il y a déjà eu en 2006, hein, il y a un amendement parlementaire qui est adopté et qui vise à l'élection au suffrage universel déjà des élus au conseil d'agglomération. Il y a dès les années 60, dès la création des communautés urbaines, on parle de l'élection au suffrage universel. C'est débattu dans les assemblées. Donc, j'ai envie de dire, 2020, ça mange pas de pain. Hein, ça sera passé tellement de choses, on peut toujours le dire. Moi, je serais pas étonné. Peut-être, j'espère avoir tort, mais je serais pas étonné que d'ici 2020, finalement, cette possibilité change, évolue encore. Bah, déjà, ça voudrait dire qu'il y ait des choses avancées, des programmes à défendre, des choses comme ça, qui, pour l'instant, dans le système actuel, on ne voit pas comment ils peuvent émerger en 6 ans. Quoi. Ça risque d'être... Dorénavant, tout sera comme d'habitude, j'ai peur de le dire. Quoi, hein. Tout à fait, et on ne voit pas comment pourraient émerger des programmes. Et puis surtout, je dirais, on ne voit pas comment la position aujourd'hui centrale des maires pourrait être remise en cause. Hein, aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait que dans 6 ans, les maires accepteraient ce qu'ils n'acceptent pas aujourd'hui? Et aujourd'hui, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est ils ont compris pour la plupart que la démocratisation de l'intercommunalité, c'est effectivement potentiellement la réduction de leur rôle, en partie. En tout cas, la réduction de leur centralité dans le système politique local. Ok. Alors, dans votre ouvrage, à tous les deux, vous avez laissé pas mal de place à la communauté urbaine de Lille, donc LMCU, bien sûr. Et nous, notre expérience à Attac est celle, en tant que membre actif du collectif Eau, c'est-à-dire pour une régie publique de l'eau, vous avez bien compris d'où on parle, corrobore de la même façon vos travaux. Et on a demandé à René Lascience, que tout le monde connaît sur nos antennes, puisque c'est lui qui, pour les 3 attaques de la métropole, est présent dans le collectif Eau, de nous parler de son expérience et d'échanger avec toi, Fabien, sur l'expérience qu'on a avec la LMCU. D'accord. Donc, il faut savoir que ce collectif Eau, je le rappelle, s'est créé d'une part à la suite du conflit entre LMCU et les Eaux du Nord-Suez qui dure déjà depuis plusieurs années, et la fin de la concession qui est arrivée là pour 2015. Donc c'était une opportunité pour créer une structure, un collectif qui demanderait le retour en régie publique. Alors au départ, on a bien sûr des propositions, je dirais, techniques, mais notre proposition du départ, je dirais, c'était de demander l'instauration d'un véritable débat citoyen, démocratique, avec bien sûr information du public, et qui sont les usagers bien sûr, sur les différents aspects de la gestion de l'eau, et surtout finalement un référendum pour que les gens décident entre la DSP et la régie publique. C'est complètement contradictoire avec le principe de fonctionnement que nous ont décrit Fabien et David. Oui, parce qu'au lieu d'un grand débat citoyen et un référendum, nous avons eu 3 ateliers. C'était donc en 2012. Le premier atelier portait sur la gestion de la ressource en eau. Donc c'était au mois de septembre. Le deuxième, au mois d'octobre, c'était la consommation durable et accessibilité à l'eau. Et le troisième, sur les modes de gestion des services d'eau, donc régie publique ou DSP ou système mixte. Bref, voilà. Alors déjà, il faut savoir que pour assister à ces ateliers, qui on ne peut pas vraiment appeler débat d'ailleurs, tous les trois se sont tenus un vendredi matin. Donc difficile pour les citoyens, les représentants d'associations qui sont généralement aussi des salariés, d'être présents. Et pour participer, il fallait aussi bien sûr s'inscrire sur le site de LMCU. En bref, l'information n'a pas été vraiment diffusée auprès du grand public. Donc on peut déjà considérer qu'il y a trois filtres. Oui, là, je trouve ça intéressant de revenir sur l'histoire un peu de cette mobilisation. On pourrait se demander pourquoi cette discussion de la question de l'eau, dont on voit bien qu'elle est centrale, qu'elle est légitime dans une société locale, de se demander qui gère notre eau, combien ça coûte, pourquoi elle ne vient pas de l'intérieur, des représentants élus. Là, en l'occurrence, le conflit effectivement entre les eaux du Nord et la communauté urbaine, c'est important de le rappeler, mais il vient d'un recours. D'une association extérieure, oui, qui va en quelque sorte mettre le doigt sur un problème, la question des provisions que constituent les eaux du Nord et qui ne sont pas réinvesties dans l'entretien du réseau comme ça devrait l'être dans le contrat. C'est un acteur extérieur, on pourrait dire c'est un citoyen. Alors il n'est pas tout à fait lambda, il a une histoire politique dont on peut discuter d'ailleurs, mais en tout cas c'est un acteur extérieur qui vient montrer aux 170 élus quand même, faut le rappeler, c'est pas comme s'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait personne pour contrôler, et qui vient leur montrer un problème. Et ça en dit long aussi sur le fonctionnement général. C'est-à-dire que le fonctionnement ordinaire, c'est pas ça. Le fonctionnement ordinaire, c'est d'empêcher justement que les élus eux-mêmes représentent ce genre de problème. Et donc, ça rend beaucoup plus compliqué, parce qu'on voit bien que pour des citoyens, aller se saisir de questions comme la délégation de l'eau, ça implique un vrai coût, il faut rentrer dans les dossiers. Un investissement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ce cas est en quelque sorte typique, montre à contrario le fonctionnement ordinaire. Le fonctionnement ordinaire, c'est des élus souvent qui ont du mal à jouer le rôle de tireur d'alarme, qui ont du mal à souligner quand il y a des problèmes, et ils ont du mal à le faire parce qu'il n'y a pas d'opposition, ou l'opposition, elle existe de manière extrêmement, extrêmement diffuse. Donc j'ai envie de dire, c'est ma première réaction, c'est je pense que cette démarche-là, elle rend bien compte que pour changer aujourd'hui l'intercommunalité, c'est ce qu'on dit en tout cas avec David, pour la politiser, pour faire émerger des débats qui sont salutaires, comme dans toute démocratie, il faudra probablement que ça vienne un peu du dehors. Il faudra probablement que ça vienne d'associations qui soit mettent l'accent, mettent le doigt sur un problème, portent la question, et j'allais dire aussi, de manière un peu familière, poussent aux fesses les élus. Poussent aux fesses les élus pour qu'ils jouent le rôle de représentants qu'ils ont parfois un peu abandonné dans ces structures. Alors là, il y a une véritable résistance, parce que René le disait, les ateliers, on a d'abord fait venir des experts. La question politique n'est jamais soulevée. Tu peux continuer, René ? Oui. Eh bien, ces ateliers, oui, effectivement, étaient, je dirais, essentiellement techniques. On peut dire que c'était des sortes d'exposés où les experts intervenaient à la tribune, siégeaient à la tribune et s'adressaient aux élus communautaires que, je dois dire, je tiens à le souligner, étaient pour l'ensemble très peu présents. Sur 176 élus, je me rappelle plus du chiffre, mais ils étaient très loin d'être la majorité. Voilà. Ça nous pose aussi question par rapport à une question aussi, un problème aussi crucial que l'approvisionnement en eau d'une métropole. L'eau étant quand même un bien de première nécessité, un bien vital. Dans l'assistance, on avait une faible représentation, pour les causes que j'ai évoquées, de la société civile, des associations. Par contre, on avait une présence assez remarquée, régulière des eaux du Nord, salariés et encadrement. C'est encore une autre chose, effectivement, qu'on peut souligner, c'est la présence des salariés qui étaient convaincus d'être en danger pour l'emploi, alors qu'on a effectivement préciser, affirmer, asséner l'idée que des exemples le montrent, hein, que au contraire, les salariés des entreprises privées seraient récupérés dans la régie et trouveraient leur place complète et entière, pleine et entière, dans une régie publique. D'ailleurs, il faut rappeler souvent que c'est le processus inverse s'est passé avant. Hein. C'est-à-dire que souvent, des sorties de régie, il y a des personnels qui étaient parfois des agents municipaux et qui sont se retrouvés intégrés dans des régimes salariés. Ah, oui. Donc il y a eu ces cas-là historiquement. Hein, oui. Pas tant que ça à la communauté, parce qu'il n'y a pas une histoire longue à la communauté urbaine de Lille, de la régie, comme à Lyon, par exemple. Mais ça a existé dans ce sens-là. Donc on voit bien que si ça existe dans ce sens-là, on pourrait dire que ça peut tout à fait exister dans l'autre sens. Et enfin, justement, j'ai peut-être une question. Comme je l'ai cité, là, la faible présence des élus communautaires donc à ces trois ateliers, ça montre malgré tout un peu d'intérêt. Et aussi, est-ce que les élus ont tous la compétence nécessaire pour apprécier, pour juger, enfin, de débats quand même assez techniques qui demandent quand même de certaines connaissances? Je pense que c'est une vraie question. On voit dans la plupart des instances en fait représentatives, et là les communautés urbaines ou les intercommunalités sont à l'image d'autres structures politiques, il y a une valorisation depuis, en gros, quand on la date des années 60, hein, de la 5e République, mais une valorisation extrêmement forte de la notion de compétence. Qui pose problème, en fait, aussi aux démocraties, dans les démocraties, c'est-à-dire est-ce que la légitimité d'un élu, d'un représentant, doit être indexé à sa compétence technique. Est-ce que ce qui lui donne son droit à défendre une position, c'est quelque chose comme une compétence technique, dont on voit bien en plus que c'est compliqué en fait à objectiver la compétence technique, hein, d'un élu. Oui, on peut avoir un élu qui a été ancien ingénieur de l'eau, mais finalement il n'y en a pas beaucoup. Donc la plupart des élus, ils sont amenés à se forger une compétence, une connaissance sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Et peut-être que leur rôle premier, avant même de faire semblant d'être des experts, il y a aussi des technostructures, hein, à côté d'eux qui peuvent mettre en musique les solutions politiques. Mais leur premier rôle, c'est peut-être de représenter des intérêts sociaux. Alors, par rapport à ce que tu disais, René, je me dis qu'il y a un point qui est peut-être important aussi à souligner sur les intercommunités, c'est que souvent, ce qui a justifié, en fait, finalement, le fonctionnement consensuel, qui a justifié l'abandon de vrais débats, ça a été le discours de la technique. Hein, c'était de dire « passez votre chemin, braves gens, ces questions sont techniques ». Sous-entendu, ces questions ne vous intéressent pas. Sous-entendu, nous sommes là pour les régler à votre place. Et je pense qu'il faut, même si c'est difficile, et c'est ce que vous faites finalement, hein, c'est ce que font des collectifs citoyens, il faut vraiment déconstruire ce discours de la technique, en fait. Il faut se dire que la séparation entre ce qui est technique et politique, c'est souvent le produit de ce qu'en font, hein, beaucoup les élus. On voit bien, c'est pas très compliqué en plus de se dire que la question du prix de l'eau, la question de sa distribution à tel ou tel endroit, bien sûr de sa qualité, du prix indexé également éventuellement à la consommation, ce sont des questions éminemment politiques parce que c'est des questions qui renvoient à la justice, qui renvoie à la question de la distribution des richesses dans une société. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se dire que derrière chaque question technique, il y a une question politique qui sommeille, hein, souvent, et que ça a été la manière, la technique a été un peu la manière, souvent pour les élus, d'être un peu tranquille dans ces structures. C'est de dire, voilà, c'est technique. Moi, j'ai entendu, pour reprendre la question de l'eau, hein, j'ai entendu des élus en entretien, on les a entendus avec David, nous dire, un tuyau, c'est ni de droite ni de gauche. Alors c'est un propos, vous voyez, on voit bien, extrêmement réducteur, parce que bien sûr que le tuyau, si on réduit à ça, mais ce qui se joue dans un tuyau, c'est extraordinairement important. Bien sûr qu'un tuyau est extrêmement politique, la taille du tuyau, hein, l'endroit où il passe, l'eau qu'on met dedans, c'est fondamental. De même pour les trottoirs, un trottoir est éminemment politique, le fait de mettre des stationnements, de faire de la voirie publique un trottoir, ou de faire passer un tramway ou des vélos, ça engage des vrais conflits d'intérêt, des vrais conflits d'usage. Donc je pense que peut-être, paradoxalement aujourd'hui, les élus, mais pas seulement là, hein, aussi au niveau européen par exemple, sont devenus les premiers ambassadeurs de l'idée que les questions politiques seraient techniques. Alors on voit que c'est très paradoxal, parce qu'ici aussi la branche sur laquelle ils sont en disant ça, hein, en disant finalement, on fait de la politique, mais c'est des questions techniques qui n'impliquent pas de débat, on voit moins bien quel est l'intérêt qu'ils soient là. pour gérer ces questions-là. Hein. Donc voilà, il y a ces contradictions, mais je pense qu'il faut vraiment en finir en quelque sorte avec l'idée de dire il y aurait d'un côté le technique et puis d'autre côté le politique. Et toutes ces questions-là, ce seraient des questions techniques, parce qu'il y a plein de moments historiques où au contraire, ce qui était éminemment politique, c'était ces questions. Hein, c'est sur ça que s'est fondée les politiques municipales. Au XIXe siècle, les politiques municipales, les grands conflits, les mouvements réformateurs, ils ne se fondent pas sur des questions, je ne sais quoi, de relations internationales ou d'intervention en Afghanistan. Ils se fondent sur comment on va apporter l'eau aux uns aux autres, comment on va gérer les logements, l'hygiène publique. Oui, en effet. Alors effectivement, tu soulèves une question que j'avais en tête. Hein. On parle bien de la professionnalisation de l'activité de maire. J'avais noté, mais je les ai pas lus, hein, mais peut-être les as-tu lus, Bertrand Poignet, qui est maire de Quimper, et René Dosière, député socialiste ou proche de façon du pouvoir, tous les deux actuellement, mais peu importe, c'est pas le problème, ont écrit respectivement le métier de maire et le métier d'élu local. Alors, est-ce que cette tendance que tu décris, enfin, elle est inéluctable? Enfin, ça nous pose vraiment des problèmes à nous qui sommes un peu politiquement engagés, à qui on s'adresse. Et l'exemple était intéressant. On a invité dans un de nos ateliers, pour le coup, le responsable à la communauté urbaine. Précision, puisque suite à ces trois ateliers qu'on avait. Il y a eu un quatrième. Qu'on n'avait pas trouvé, franchement. Démocratique, on va dire. Voilà, que c'était pas vraiment un débat. On s'est dit, bah, nous, on va créer le quatrième atelier, le nôtre, où on exprimera nos idées, nos propositions et ce qu'on défend, quoi. Voilà. Voilà. Et on a eu donc l'élu qui est venu nous parler que de technique. C'est vraiment problématique. Enfin, moi, je crois que la question qui est autour de la professionnalisation. Et c'est vrai que pour fréquenter quelques élus, je sais bien qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont des responsabilités considérables pour des queues de cerises quelquefois. Hein. Donc, il y a quelque chose. Je ne sais pas comment ces choses-là peuvent évoluer dans le bon sens, quoi. C'est compliqué parce qu'on est effectivement face à des tendances lourdes. Ces tendances, elles sont aussi, elles ont quelque chose, elles sont sociologiques aussi, c'est-à-dire qu'elles sont liées à l'évolution du profil des élus. On a des travaux, hein, il y a les travaux de Michel Kobel notamment. Michel Kobel, ce qui montre, c'est que il y a de moins en moins, la sous-représentation des catégories populaires, par exemple chez les élus, est de plus en plus grande. Les diplômés, en plus avec un changement de profil chez les diplômés, hein, pas forcément moins d'universitaires, on pourrait dire, et puis des diplômés d'écoles de management, tout de commerce sont de plus en plus forts. Donc, le profil des élus change, la sélection par les appareils partisans aussi change, le poids des militants diminue dans la sélection des élites partisanes. Tout ça contribue à des phénomènes historiques assez massifs, hein, qui sont effectivement cette professionnalisation et des élus qui se conçoivent plus comme des espèces de bons managers ou des managers, on voit bien que ça ne veut pas dire grand-chose souvent, hein, que comme des représentants, encore une fois, d'intérêts, hein, de représentants de populations et de groupes sociaux. Ce qu'il y a de pervers aussi, on le dit aussi avec David, notamment dans l'article du Monde diplomatique, hein, qu'on a fait paraître en janvier, c'est cette notion de territoire. Elle a un peu servi à ça. C'est-à-dire que le territoire, chez les élus, ça a un peu remplacé les groupes sociaux. Ça a un peu remplacé, c'est-à-dire que finalement, le territoire, tout le monde est pour. Ça a quelque chose de très œcuménique. Il y a les intérêts supérieurs du territoire. On voit bien d'ailleurs les analogies avec la nation à d'autres moments de l'histoire. Hein. C'est l'union sacrée, c'est aussi ce qui fait disparaître les conflits entre les groupes sociaux et qui fait que tous les partis politiques se rallient à certains moments à la guerre. Eh bien, le territoire local, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que finalement, les élus se perçoivent plus comme des espèces de bons managers de territoires en compétition à l'international que comme des représentants de populations de ces territoires qui auraient besoin de certains services, hein, qui auraient besoin et qu'il faudrait améliorer ces services. Non, on va améliorer la compétitivité de la métropole lilloise par rapport à des, parfois des ennemis imaginaires d'ailleurs, hein, qu'on va chercher ailleurs à l'international. Donc cette tendance, peut-être juste pour conclure là-dessus, elle est effectivement très puissante. Ce qu'on dit avec David, mais on le fait pas, c'est ça. On essaye de pas être trop incantatoire quand on dit ça. On utilise les mots du poète Fernando Pessoa, hein, poète portugais, la notion de démocratie de l'intranquillité. On pense fondamentalement de l'intranquillité. Hein, c'est Pessoa, il a écrit un très très beau livre qui s'appelle Le livre de l'intranquillité. Et on prend cette expression d'intranquillité en pensant que il faut pas laisser les élus tranquilles, en fait. Hein, et parce que les élus, ils sont comme tout le monde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand ils sont entre gens qui se ressemblent, qui ont des intérêts professionnels aussi à défendre, ils sont pas poussés à délibérer. Ils sont pas forcément poussés à représenter des intérêts qui viennent de l'extérieur. Et donc, pour lutter contre la professionnalisation des élus, il faut probablement aussi lutter un peu de l'extérieur. Hein, il faut aussi, quand je disais tout à l'heure, pousser aux fesses les élus, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Il faut tenir un peu les élus. Et c'est ce qui a changé. Pourquoi ils sont plus professionnalisés aussi aujourd'hui ? Parce que les appareils partisans sont aussi plus faibles. En tout cas, les militants dans les appareils partisans sont plus faibles. Donc les élus ont plus de marge de manœuvre. Ils sont moins amenés à rendre des comptes. Et peut-être qu'il est bon pour un représentant de rendre des comptes. Hein, c'est peut-être d'ailleurs un des éléments qui permet la mécanique représentative. Alors sémantiquement, il y a deux mots qui sont intéressants, c'est gouvernance et gouvernement. Hein, on voit bien que la gouvernance, on met ça sur le compte de la technique, et le gouvernement, c'est-à-dire prendre des positions politiques, genre des choses complexes. Alors effectivement, tu disais pour terminer le beau mot de Fernando Pessoa, moi je vais en dire une autre pour ATTAC. Hein, on a produit, donc ATTAC a produit un petit fascicule qui s'appelle « Alternative municipale vers des communes en transition », c'est-à-dire que sur un certain nombre de thèmes, propose aux citoyens que nous sommes de dire, voilà, sur la finance, ben, y a des choses à faire. Il y a des entreprises qui ont été, des municipalités et qui ont été engagées dans des fonds impossibles avec Dexia. Il y a des problèmes de transport gratuit à avoir, etc. Des problèmes de pollution, etc. Et je pense que c'est un petit fascicule. D'ailleurs, on va te l'offrir. Avec plaisir, je le lirai avec grand intérêt. Voilà. Merci, Fabien, pour avoir participé à cette émission. On remercie aussi David pour avoir participé à l'écriture de ce bouquin et à cet excellent article que vous avez créé dans Le Monde diplomatique de janvier dernier. Merci. Beaucoup des propos que j'ai tenus, effectivement, nous appartiennent un peu, sont le résultat aussi de notre travail collectif. On a bien compris que c'était un travail en tandem. Oui, et bien pour en dire un peu plus, et pour surtout ne pas laisser les élus tranquilles, comme le dit Fabien, je vais dire un mot de plus sur l'alternative, sur les alternatives municipales. Le vers des communes en transition, c'est le petit fascicule dont je parlais, donc le 6 avec Fabien et René. C'est un fascicule de 40 pages qui est un outil pour celles et ceux qui tiennent à la démocratie dans leur ville, c'est-à-dire celles et ceux qui veulent intervenir auprès des élus locaux. Ce n'est pas une réflexion de court terme, bien sûr, bien au contraire, hein, car il s'agit de faire de l'action municipale et des luttes locales des leviers de la transition. En un mot, ce sont des propositions d'action pour les citoyennes et les citoyens. Et donc, je pense que ATTAC, les militants d'ATTAC devraient bien s'en inspirer de ce petit fascicule. Alors, deux mots quand même un peu plus précis. Donc, c'est trois thèmes qui sont traités. Hein, le thème de la démocratie dans la ville. Alors, par exemple, j'en prends au hasard donc, le non-cumul des mandats, par exemple. On peut parler aussi du droit de vote des étrangers. Là, c'est, voilà. Et le thème de la finance. Là, pour le coup, il s'agit de réfléchir aussi, par exemple, aux municipalités qui se sont endettées. Et, ou alors l'aide au logement, on a déjà parlé aujourd'hui. Et troisième thème, par exemple, de la transition écologique, pardon, un exemple, c'est promouvoir les énergies renouvelables dans la ville, avec tout ce qui est urbain dans la ville et tout ce qui dépend de la municipalité. Les circuits de proximité aussi, faire en sorte que nos gosses à l'école mangent de la nourriture de qualité qui vient de l'agrobiologie. Donc trois thèmes généraux, quoi, démocratie, finance et transition écologique, avec, et ça c'est le plus intéressant dans le style, de vraiment avec un souci de pédagogie, c'est présenté toujours de deux façons sur une double page. Sur la page de gauche, vous dites quel est le problème ? Par exemple, promouvoir dans votre commune les énergies renouvelables. Et ensuite, les méthodes de travail. C'est possible demain, premier thème. C'est nécessaire juste après qu'on a commencé. Nous pouvons le faire sans attendre. Et puis, ils l'ont fait. On a pris quelques exemples. Ils ont pris quelques exemples sur chaque page de militants qui ne sont pas forcément d'attaque, bien évidemment, mais qui sont intervenus dans la gestion de leur commune pour dire, bah oui, il nous faut, par exemple, celui que j'ai sous les yeux là, actuellement, il faudrait peut-être développer un parc éolien, développer des réseaux de panneaux photovoltaïques sur les écoles ou des choses comme ça. Voilà donc vraiment un outil de travail pour des militants de toute nature qui veulent faire vivre la démocratie dans leur commune. Et dernier point quand même, parce que c'est peut-être l'essentiel, ce document dont je rappelle le titre Alternatives municipales vers des communes en transition. Ce document est téléchargeable sur le site d'ATAC. Voilà, on va peut-être faire une légère pause, Germain. Musicale. Très bien, eh bien, un clip actuel, le clip de l'église de la Très Sainte Consommation. Résignez-vous, je vous laisse écouter, c'est très drôle. Ma ville atroprisienne, jusque dans ton manoir à Londres, notre réalité est la même, et chez nous la révolte gronde. Qui c'est qui fait rêver les masses grâce à l'artisanat chinois? Ici on nous assomme de taxes alors que c'est nous qu'on crée l'emploi. PDG, trader et rentier, à tous les riches du monde entier, votez pour nous et vous verrez, on s'occupera des assistés. Maintenant fini les vacances, salariés, allez tous debout, faut sacrifier pour la croissance. Un seul mot d'ordre, résignez-vous. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien. De tout changer, et comme des cons vous y avez cru, oligarchie fais-moi rêver, démocratie c'est révolu, alors votre bulletin de vote, filez-le donc à nos banquiers, ils ont le gel et la capote, pour vous placer sans trop risquer, c'est bien connu, la vie de l'homme peut se résumer en trois mots, travail, obéis, consomme, et puis ben direct au caveau, allez français on s'entretue, pour un job de rêve à Carrefour, pour qu'on se fasse un max de thunes, un seul mot d'ordre, résignez-vous. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien. On a gagné, on a gagné. Voilà, ça ne manque pas d'humour, effectivement, l'église de la Très Sainte Consommation que généralement on rencontre dans les rues de Lille le week-end et sur la Grand Place. Bien, on va venir à une deuxième lecture. C'est Benjamin qui s'y colle. Alors il va nous parler des grandes questions économiques et sociales. Benjamin. Exactement. Donc aujourd'hui, nous vous conseillons la lecture du livre « Les grandes questions économiques et sociales » comme Christian vient de le dire, à 22 euros pour près de 500 pages dans la collection Repère. Cet ouvrage permet d'approcher les grandes questions contemporaines, économiques et sociales d'un point de vue relativement critique et pédagogique. Ce livre est ainsi le fruit du travail de 21 spécialistes de certaines thématiques, et pas des moindres. Nous avons par exemple un article de Dominique Plion que nous avons reçu, comme vous le savez, le mois dernier, qui traite dans le livre de la globalisation financière. Un article de Christian Chavagneux, rédacteur chez Alternatives Économiques, sur les acteurs de la mondialisation. Un article de Françoise Mileski sur les inégalités hommes-femmes. Un article de Robert Castel sur la cohésion sociale. Ou encore un article de Thomas Piketty sur les inégalités. Et encore, un article de Jean Gadret, que nous connaissons bien à TAC Lille, sur la possibilité d'un développement post-croissant. Malheureusement, nous ne pouvons ici détailler chacun de ces articles, mais nous analyserons les deux derniers cités. Donc, dans l'article sur les inégalités, Piketty constate qu'en France, les revenus du capital ont baissé au cours du XXe siècle. Ainsi, les inégalités entre capital-travail se sont réduites. Le centile, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui bénéficie des revenus les plus élevés, à partir de 10 000 euros mensuels, tire ce revenu principalement par son travail, en tant que médecin, que cadre. Nous sommes donc passés d'une société de rentiers à une société de cadres. Les inégalités travail-capital étaient jugées insupportables, alors que les inégalités entre salariés sont jugées tolérables. À TAC, nous estimons qu'aucune inégalité n'est acceptable. Pour l'auteur, la fin des rentiers peut s'expliquer par différents phénomènes. La destruction physique du capital lors des deux guerres, la faillite d'entreprises dans les années 30, par une inflation corrosive pour les créanciers. Mais les inégalités salariales ne se sont pas réduites. Elles croissent même légèrement depuis les années 2000. Des solutions existent pour redresser la barre, comme redonner une progressivité à l'impôt ou encore encadrer les hauts revenus. Dans un autre article, Jean Gadret propose d'en venir à un développement post-croissant. Nous l'avions bien compris, le paradigme dominant est celui de la croissance. Mais ce paradigme repose sur des hypothèses fortes. Il y aura toujours des gains de productivité du travail. Pour augmenter le niveau de l'emploi, il faudra réduire la durée du travail en fonction des gains de productivité ou encore augmenter l'activité économique. Pour financer la protection sociale, nous avons besoin de croissance. Mais ce constat fait face à certaines limites, du fait des limites de la nature et des limites théoriques. La limite théorique. Les gains de productivité permettent de produire plus avec moins de travail, mais pas avec moins de ressources naturelles. Et on a déjà atteint le point de non-renouvellement de ces ressources. Depuis les années 50, la croissance de la production est liée à la croissance des intrants chimiques, notamment dans l'agriculture et l'industrie. Le type de croissance que nous avons connu durant les Trente Glorieuses n'est pas enviable. Les citoyens et les économistes doivent en prendre conscience. Mais pour l'auteur de l'article, la société post-croissante est la solution. En quoi consiste-t-elle ? En un virage anti-productiviste, une transformation radicale des modes de production et de consommation, et une forte réduction des inégalités. Si vous aussi ces grandes questions vous intéressent, et auditeurs d'Angle d'Attaque, elles doivent vous intéresser, alors je vous invite à vous procurer ce livre, « Les grandes questions économiques et sociales » à la collection Repères, pour 22 €. À se procurer dans une bonne librairie, comme celle rue de Valmy à Lille. Par exemple. Par exemple. Bien, et on va passer donc à Florent. Tu es prêt, Florent ? Oui, bonjour. Donc, la fin de la trêve hivernale approche, et c'est donc cet après-midi, dès 14h30, qu'a lieu la manifestation contre les expulsions locatives et le droit au logement. Dans la commune de Lille, il y a plus de 8 600 logements vacants, soit près de 7% des logements. Et selon le calcul de Guerdan, il y aurait 11 millions de logements vides en Europe, alors que 4,5 millions de personnes sont sans abri. Le départ du cortège est à grand place à Lille. Trois rendez-vous ce mois-ci sur le thème du travail. Le premier sur l'évaluation du travail, les ressorts d'une fascination, sera discuté avec Bénédicte Vidaillé, psychanalyste et maître de conférences, de pourquoi l'évaluation des performances au travail s'est tant développée et en quoi les travailleurs en sont subjectivement complices. C'est à l'espace culture de l'Université Lille 1, le mardi 18 mars à 18h30. Et retour 40 ans en arrière avec la projection du film « L'Élipe, l'imagination au pouvoir » qui présente un mouvement de lutte incroyable qui a duré plusieurs années, mobilisé des foules entières en France et en Europe, multiplié les actions illégales sans céder à la tentation de la violence, porter la démocratie directe, l'autogestion et l'imagination. Ça sera à l'IEP, à rue Trévis, à Lille, le jeudi 20 mars à 17h45. Et enfin, l'association Travail et Culture organise son prochain cabaret de l'Union à la Condition publique de Roubaix, le vendredi 21 mars à 19h. Au programme, la projection de Super, pour découvrir dans le huis clos d'un supermarché suisse l'univers standardisé de la grande distribution en se concentrant sur l'activité ordinaire des hommes et des femmes qui y travaillent. Sera suivi d'une lecture spectacle intitulée En caisse et d'un débat. Autre thème, une autre projection, à l'Olympia Ciné 2 de Templeuve, Les petits gars de la campagne. Et c'est un documentaire où vous verrez comment la politique agricole commune a largement contribué au bouleversement agricole, alimentaire, territoriaux, économique et sociaux de la France et de l'Europe. C'est le jeudi 20 mars à 20h, donc à Templeuve, à l'Olympia Ciné 2. Et toujours sur le thème de l'agriculture, et dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, a lieu à la Mresse, le mercredi 26 mars à 19h, une projection débat du film « Le secret des champs », ce documentaire illustre la manière dont les plantes cultivées s'associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui les entourent, insectes, champignons et autres plantes. Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d'innovation pour l'agriculture, et ce, sans OGM ni pesticides. « Ondes, sciences et manigances », c'est l'intitulé d'un nouveau film qui dévoile comment les industriels de la téléphonie mobile, à l'instar des lobbyistes du tabac, ont construit une stratégie de défense de produits. Et ça sera donc une projection à l'hybride, 18 rue Gosselet, le jeudi 10 avril à 20h. Conférence de débat à l'espace culturel Université Lille 1, le vendredi 21 mars à 18h. À l'occasion de la présentation du livre « Rome et riverains, une politique municipale de la race » de Éric Fassin et Aurélie Widel, aux éditions de La Fabrique. Se met en place aujourd'hui ce qu'on peut appeler une auto-expulsion. On rend la vie impossible aux Roms pour les dissuader de rester ou de venir. Pour justifier la discrimination, il faut supposer a priori ou a posteriori une différence radicale qui seule autorise ce traitement inhumain, et c'est en cela qu'il faut bien parler de race. Et le samedi 22 mars à 14h30, place de la République, aura lieu une manifestation pour le 18e anniversaire de la sortie de l'ombre des sans-papiers. Et n'oubliez pas leur manifestation qui a toujours lieu tous les mercredis à 18h30. Et pour finir, une soirée discussion est organisée au CCL le lundi 17 mars à 19h30 autour des luttes autonomes du Chiapas avec le collectif Plancton qui accueille pour l'occasion l'infotour zapatiste. Donc retrouvez tous ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demoser.eu. Merci. Merci Florent. Quelques petits mots là. Si vous avez rencontré des militants d'attaque, surtout ce matin, mais dans d'autres manifestations, ils vous ont peut-être distribué 3 billets. Des billets de banque, des faux, on va dire. Hein. Ouais, c'est des faux. Hein. Un de 60 milliards, un de 100 milliards et un de 200 milliards. À quoi correspondent ces chiffres, m'a-t-on demandé ? Bien, les 60 milliards, c'est l'évasion fiscale, c'est les milliards de fraude et d'évasion fiscale. C'est les chiffres qui sont tout à fait officiels, qu'on peut retrouver dans beaucoup de revues. Et je crois même qu'on a dit entre 60 et 80 milliards à un moment, mais bon, on est modeste, disons 60 milliards. Vous avez un billet, ça c'est le billet orange, le billet vert de 100 milliards. À quoi correspondent les 100 milliards ? Eh bien, c'est le calcul du surcoût du capital en France. Peut-être vous souvenez-vous de l'intervention ici de Laurent Cordonnier, qui est un des co-auteurs de cette étude qui a montré qu'effectivement, une partie du capital n'avait aucune destination économique et n'avait que des destinations financières et de rentiers, comme le disait tout à l'heure Benjamin. 200 milliards. Alors 200 milliards, ça c'est le fonds même de commerce, si j'ose dire, là je n'aurais pas à dire ça, d'attaque, puisque c'est la taxation des transactions financières. Voilà ce que pourraient payer les spéculateurs si on avait le courage politique en France et en Europe de taxer véritablement les transactions financières. Pour l'instant, on serait plutôt autour de 30 milliards, ce qui serait déjà pas mal, mais qui est quand même un peu insuffisant. Bien, voilà pour aujourd'hui. Pour terminer, n'oubliez pas que notre émission peut être réécoutée pendant 2 mois sur campuslille.com et indéfiniment sur notre blog attaquelilleoverblog.com. La prochaine émission aura lieu le 19 avril sur 106,6 MHz Radio Campus, bien évidemment. Le thème principal sera l'agrobiologie, c'est dire si l'entretien sera mené par notre copain Germain, futur maraîcher et ci-devant maître de la technique de l'audio. L'invité sera sans doute William Loveluck, de l'association Terre de Liens. En principe, c'est lui. Pour l'instant, il a donné son accord. Oui, Très probablement pas lui, mais il sera co-organisateur. Par contre, on aura certainement un autre invité encore à décider. Oui, merci de cette précision, Germain, puisque bien entendu, c'est Germain qui est en contact avec William pour cette émission. Surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous de lundi à la Mresse, hein, où nous allons reprendre cette émission sur les municipales pour toutes celles et tous ceux qui veulent parler des municipales à Lille et pourquoi pas, et aussi de ces nouveaux élus communautaires. Nous vous donnons rendez-vous à 19h à la Mresse, au 23 rue Gosselet. On reparle donc de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien, passez un bon week-end et à bientôt. Un peu de musique, Germain ? Oui, les carottes râpées du groupe Mes Souliers sont Rouges. Les carottes râpées du groupe Mes Souliers sont Rouges. Pas rien. Ah, ce serait bien, mais ça ne part pas. Permettez-moi d'intervenir. Permettez-moi même d'en finir avec les on dit les quand je veux, car dans la soupe il y a un cheveu. Je ne suis pas du genre plaintif, malgré un physique de sportif, mais vient un moment où la bête se réveille au fond de ma tête. Allez! C'est un fléau, une maladie, un staphylocoque mal fini. Un gros microbe en liberté qui passe et repasse sous votre nez et qui s'impose sur toutes les tables. Dans sa jolie barquette jetable, on y plongerait bien les deux pieds. Ça ferait des mules climatisées. Carottes râpées, tabouret, pieds en baisse, chanter trois fois. hypothèse. Parlons gastro, gastronomie. Si je mange, je veux être puni. Est-il possible de rendre un peu notre repas plus harmonieux? Il est certain que c'est rassurant, toujours les mêmes ingrédients. Imaginez qu'une salade verte arrive ici, ce serait l'alerte. L'équilibre d'un musicien est très fragile, on le sait bien. Le ministère de la culture est obligé de prendre des mesures. L'austérité d'une vie rythmée par des repas prédigérés semblait manquer à notre décor. Y en a qui disent qu'on veut notre mort.